Et donc nous voici de retour pour la plage et on est en compagnie de Anouk Janton. Anouk Janton qu'on entendra ce soir à 22h30 au Salon d'écoute avec Lionel Marchetti qui viendront tous les deux nous interpréter leur nouvelle création, Phasme. Donc Anouk me disait juste avant que l'on commence que c'était le dernier concert qu'elles allaient jouer à la fin d'une tournée. Et donc la spécificité de ce dernier concert de tournée, c'est qu'il sera joué sur la Cousmonium et donc spatialisé. Voilà. En deuxième partie de cette soirée, Lionel Marchetti interprétera une de ses pièces, Note 5 Atlantica. Donc bonjour Anouk. Bonjour. Et bienvenue. Alors, Anouk, moi je me demandais pour commencer comment se traduisait votre collaboration avec Lionel, puisque c'est une collaboration qui dure, c'est pas le premier travail que vous faites. Comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé de travailler ensemble, sachant que donc toi tu es instrumentiste, violoniste, hein, et donc tu travailles avec, on va dire, un objet ancien, un objet acoustique, et de l'autre côté Lionel Marchetti, lui, et compositeur de musique électroacoustique, et donc il utilise aussi beaucoup plus des outils électroniques du XXe siècle. Et comment se fait cette rencontre ? Alors au tout départ, quand on s'est rencontrés, c'était dans le cadre de l'ensemble 1. Il était question, en fait, il m'avait proposé de réinterpréter une de ses pièces qui s'appelle La Jetée, qui avait été faite avec un autre violoniste il y a pas mal d'années. Et puis suite à cette idée, on a commencé à chercher un peu des choses. Et puis en fait, on s'est vite dit que finalement, ce n'était pas la réinterprétation de cette pièce, mais plutôt la création de quelque chose d'autre. Et puis on est allé faire des essais en extérieur parce qu'il y avait cette idée que moi, je joue acoustique et que j'ai des petits haut-parleurs accrochés sur moi. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Enfin, qu'il y avait une prédominance de l'instrument acoustique qui était beaucoup plus intense par rapport en fait, à la rayonnance des tout petits haut-parleurs. Et puis après, je sais plus très bien comment. Je crois qu'on s'est dit qu'on allait un peu essayer en studio avec du coup son dispositif ou avec son propre synthétiseur, avec ses propres sons. Et puis on a commencé à travailler. Et en fait, là, on a trouvé quelque chose. Mais c'est pas juste finalement l'adéquation des deux instruments. C'est aussi la disposition des haut-parleurs qui a été une chose prédominante et qui nous a pris un peu de temps pour trouver comment on allait faire et qu'est-ce qui permettait justement cette intrication entre mes sons de cet instrument ancien et ces sons synthétiques électriques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'idée de disposer une sorte de ligne pour avoir un seul et même point focal. C'est-à-dire que moi, je suis assise sur un sub ou un ampli basse sur lequel lui il diffuse du coup évidemment les fréquences basses. Et au départ c'était comme ça, au-dessus de moi il y a un autre haut-parleur avec les fréquences médium aiguës. Et puis moi au milieu, avec du coup l'apport acoustique de ma propre rayonnance, ma propre diffusion. Et puis on était en face à face comme ça. Et donc il y avait vraiment cette chose de tout vient d'un même point. En travaillant aussi sur la vibration, parce que avec le violon, il y a quelque chose de particulier dans le fait que l'instrument s'appuie sur l'os de la clavicule. Et là, je montre un truc que je ne sais même pas comment ça s'appelle, dans le pouce, un os dans le pouce, qui fait qu'il y a une vibration, enfin que je prends les sons par vibration osseuse dans mon corps. Et ça nous a donné cette idée aussi de si je suis assise sur le sub, alors du coup je prends la vibration des sons. Et puis on a postulé que ça avait un impact particulier. Et cette simple, enfin cette idée de point focal et donc que tout converge ou se dirige d'un seul point, c'est cette idée d'intrication, cette idée de travailler sur le trouble de la provenance, l'ambiguïté. On ne sait plus très bien finalement au bout d'un moment si ça marche. Qui joue quoi et comment, et puis à chaque fois, à chaque espace, c'est une nouvelle page blanche pour déterminer comment on dispose les haut-parleurs, parce que finalement l'histoire de cette ligne, elle s'est un peu éclatée aussi en fonction des lieux. Et donc ce soir, comment va se traduire cette collaboration ? Eh bien, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, parce que jusqu'à présent, on utilisait, on va dire, généralement deux amplis ou deux haut-parleurs suivant ce qu'on a et ce sub. Là, c'est sûr qu'on a le sub, ça je sais. On aura les amplis aussi, mais je pense qu'on va, complexifier un peu en fonction de la typologie de cet espace et évidemment de tout ce qui est à disposition avec la Cosmonium. Mais je ne pense pas qu'on va se perdre non plus dans la Cosmonium, parce que c'est pas, l'idée, c'est pas de... C'est pas de travailler sur une spatialisation, c'est plutôt travailler sur le dispositif qui est le nôtre et, qu'on peut enrichir ou développer avec un axe particulier, avec ce que certains haut-parleurs de la Cosmonium pourront peut-être nous offrir, et puis il faut qu'on fasse des essais, quoi. Et le titre de la création, c'est Phasme. Et ça résonne beaucoup avec ce que tu viens de raconter juste avant. Donc je me disais, est-ce que tu pourrais peut-être expliciter un peu ce titre et nous dire pourquoi vous l'avez choisi, justement? Je sais plus comment c'est venu, mais je sais qu'en tout cas, c'était cette idée que c'est se fondre un peu cet insecte qui est super étonnant. En plus, j'en ai complètement par hasard. C'est un peu fou comme histoire à Bruxelles. J'ai vu un phasme en vrai dans un appartement. Enfin, c'était... Donc ouais. Un phasme, c'est un insecte, ouais, c'est ça? C'est un insecte où on a l'impression que c'est une feuille. Enfin, c'est assez fou quand même. Et donc j'ai vu ça. Et puis donc c'était l'idée, voilà, se fondre dans un milieu. Donc toute cette chose de l'ambiguïté, du trouble, d'essayer de combiner des choses qui peut-être entre son synthétique et son acoustique, c'est avec toute l'histoire du violon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui feraient que ça pourrait vraiment se différencier. Et puis nous, on essaye plutôt de créer une adéquation, une intrication. Alors, je crois que j'ai rencontré ce phasme troublant. Ouais, je sais. Tu sais où c'est. Voilà, je sais où c'est. Je ne vous dirai pas où c'est. Où on garde des phasmes en captivité. Mais c'est à Bruxelles, quelque part, si jamais. Je me posais la question, en fait, de savoir de quelle manière, en fait, cette collaboration se crée. Là, on parle de performance, mais est-ce qu'il y a d'autres arborescences, en fait, dans votre travail ensemble? Et puis aussi, peut-être plus largement, comment est-ce que ça s'inscrit, toi, dans ton propre parcours? Alors, il y a d'autres arborescences, parce que, en fait, dès le départ, comme il y avait cette idée de composition, on a... En fait, mener parallèlement un autre projet, qui pour l'instant ça s'appelle Suite Blanche, on verra si ça continue comme ça, et où on a été faire plein de captations d'enregistrements à l'extérieur, dans des lieux très divers, où il y a toujours un même processus d'enregistrement et où moi je joue toujours une même chose. Et on travaille. Lionel enregistre, on trouve un lieu et puis on travaille sur trois enregistrements d'une même chose, entrecoupés de silence, du lointain, du milieu lointain et du très proche. Et on a fait ça comme une sorte de rituel comme ça depuis longtemps. Et puis on a commencé tout juste en décembre, cet hiver, à commencer à travailler sur le montage de cette pièce. Et qui est en fait, en fait, c'est, je sais pas, c'est un peu deux volets d'une même recherche ou d'une même direction, mais qui s'articulent pas nécessairement de la même manière entre ce qui est live et puis ce qui est du coup vraiment composé, travail électroacoustique. Et puis après, comment ça s'impacte? La deuxième question, c'était. Non, comment est-ce que ça résonne finalement dans ton travail personnel, en fait. Enfin, est-ce que finalement le travail de la performance sur ces phénomènes acoustiques, c'est quelque chose qui vient vraiment de cette rencontre, ou est-ce que c'est quelque chose que tu explorais déjà avant ou... Non, je pense que c'est quelque chose que j'explorais déjà avant et puis qui m'intrigue depuis longtemps. Mais disons que là, ça s'articule d'une manière peut-être qui était un peu inédite. En travaillant avec avec des sonorités synthétiques et électriques de cette manière. Après tout le travail sur, l'écoute, la disposition, la projection au parlante, alors c'est évidemment des choses que je pratiquais déjà avant, mais disons qu'avec l'œil et l'oreille et l'expertise de Lionel, c'était aussi quelque chose qui s'est développé pour moi, pour ma propre pratique. Et puis le fait d'avoir ces deux volets, ben, évidemment, ça se complémentarise et puis ça s'enrichit mutuellement dans ce qu'on développe ensemble. Et c'est une collaboration qui a commencé aussi avant la pandémie. Donc on a passé, en fait, au moment où on était quelque part prêt à jouer, on n'a pas pu parce que c'était la pandémie. Et en fait, on a passé énormément de temps, peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, à travailler. Ce qui n'est pas dans nos milieux un peu de musique expérimentale, musique improvisée, on a peut-être plus tendance à aller, à aller sur scène, à jouer, et puis à développer le travail aussi en faisant concert après concert, ce qui est toujours important, je trouve, à faire. Mais là, il y avait une démarche un peu différente, où on a passé beaucoup de temps à travailler en studio, à chercher, avant de jouer, en fait. Et ça me fait poser une question un peu pratique sur justement la façon dont vous travaillez ensemble, parce que Lionel est à Paris, toi tu es à Genève. Non, il est à Lyon. Ah, il est à Lyon, pardon. Ouais. Donc finalement, il n'est pas si loin. Non. mais justement, et par rapport au quand tu parlais du confinement, enfin, comment ça se passe justement une collaboration de ce type-là? Est-ce que c'est toujours une collaboration qui se fait dans la rencontre ou vous pouvez aussi travailler à distance? Est-ce qu'il y a des partages d'inspiration, de matière? Comment vous rebondissez sur les propositions l'une de l'autre? Oui, on s'est beaucoup envoyé de choses, de pièces, de compositions principalement, qui étaient des pièces qui nous influençaient ou qui étaient importantes pour différentes raisons. Puis, donc on a beaucoup partagé des écoutes comme ça. Et puis après, ben, on s'est aussi évadé pendant la pandémie en passant des petites frontières par le Jura, et qui nous a quand même permis, puisqu'on n'est pas si loin, de nous retrouver à mi-chemin et continuer à travailler, même si je ne pouvais pas peut-être aller à Lyon pour bosser dans le studio. À trouver des combines, quoi. On a beaucoup parlé de la dimension un peu phénoménale de votre collaboration dans la performance. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se construit autrement du point de vue musical par rapport à la question de mélodie ou de choses que vous voulez faire entendre plus particulièrement et puis de faire peut-être ressortir avec ces moyens phénoménaux? Oui. Ouais, la question de la mélodie, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est quelque chose qui est là depuis le début. Alors je ne sais pas, vous verrez ce soir si on entend une mélodie ou pas, mais en tout cas, il y a cette idée qui est là. Pour moi, ce qu'on fait, c'est à la fois c'est improvisé au sens où on n'a pas de partition définie, mais pour moi, c'est clairement pas improvisé au sens où on a travaillé à une direction très précise en fait. On n'improvise pas du tout de manière large. On improvise dans un champ qui est très précis, très délimité pour des raisons aussi tout autant précises. Et on a même, là je dévoile un petit truc, à chaque fois on commence exactement pareil. Je crois qu'on avait fait ça en travaillant, en se disant, tiens, si on recommence à chaque fois, si à chaque fois c'est le même début, qu'est-ce que ça fait? Comment on revient par rapport à ce qu'il y a eu avant? Et en fait, on aime bien parce que c'est comme si c'était le point d'accordage. Okay, on sait comment on commence. Ça ne va jamais sonner pareil parce qu'on n'est pas, pareil nous, mais on n'est pas dans le même espace, ça ne réfléchit pas de la même façon. Et après... pour moi, c'est un mode de jeu aussi, enfin pour les deux. Hein. On a des sons, on sait qu'on a des sons particuliers qui marchent ensemble et on a un vocabulaire commun. Et puis des fois, pendant la tournée, il y a eu des petites surprises. On se fait des petites blagues comme ça, à tester des choses qui n'avaient rien à voir et que finalement, on a aussi intégré parce qu'en fait, certaines de ces choses-là ont très bien marché. Mais c'est plutôt... c'est plutôt moi je trouve que c'est plutôt de l'ordre de la composition entre guillemets ou de l'improvisation à haute détermination. Et donc là, ce soir, ce sera dans l'acousmonium de la Meg. Est-ce que vous allez l'investir un peu tel quel, ou est-ce que vous avez prévu de le modifier, ou enfin comment ça va se passer cette collaboration, parce que c'est quand même un environnement assez particulier. On a briefé Thierry, on va tout débrancher. Non, on va pas tout utiliser, ça c'est clair, parce que c'est pas le propos. Mais je ne sais pas encore comment on va s'y prendre. Il faut déjà qu'on trouve le lieu où, acoustiquement, pour moi, ça marche. Parce que c'est une salle qui est particulière aussi, entre une arrière-scène qui, je pense, est assez... avec une bonne acoustique réverbérante, puis une avant-scène qui est beaucoup plus sèche, et avec un milieu. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais me mettre pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, et pour moi, et pour le public. Et puis après, en fonction de... Déjà, trouver cette place, ça nous prend du temps. Et puis en plus, ensuite, voir quel type de haut-parleur, d'ampli on utilise, comment, dans quelle direction. Mais je pense qu'on va restreindre, à mon avis, il n'y aura pas plus de 4 ou 5. Mais donc, Lionel va être à côté de toi sur scène, ou il sera, lui, dans la régie? Où est-ce que vous allez être positionné Non, on est tous les deux sur scène, on est dans une sorte de, comment on appelle ça, un arc de cercle resserré. On est assez proches. Au tout début, quand on travaillait, on était vraiment face-face, mais après on s'est rendu compte que sortir du studio avec le public, c'était pas hyper facile de trouver comment ce face-face marche avec les gens pour qu'ils aient quand même cette idée de recevoir le son d'une même direction. Ça marchait pas en fait. Et puis, on se retrouvait aussi beaucoup avec ce truc de... Une fois, c'était clairement comme ça, avec moi qui suis sur scène, et puis lui qui est côté régie, en fait. Même si c'était pas le cas, mais dans la sensation du public, c'était comme ça. Donc, on veut pas ça, parce que c'est vraiment pas l'idée. Donc, on va plutôt être côte-côte, et puis on va chercher l'orientation qui sera juste par rapport à l'espace dans lequel on va être. Bah, merci beaucoup, Anouk. Et puis, on se réjouit de venir t'écouter ce soir. Donc, je vous rappelle, c'est ce soir Anouk Janton et Lionel Marchetti qui vont interpréter FASM à 22h30 au Salon d'écoute. Et puis, juste après, Lionel Marchetti interprétera et spatialisera une de ses créations de 2005, Note 5 Atlantica. Voilà, et bah, très bonne journée, bonne répétition. Merci. Et à ce soir. À bientôt.